Eh bien, bonjour, bonjour, c'est Dominique sur Radio Gémozo 107 FM. Aujourd'hui, je vais vous lire une nouvelle, Regarde comme c'est beau. C'est écrite par Claire Castillon, parue aux éditions de L'Olivier, sous le titre de Rebelle un peu. Claire Castillon est une écrivaine française née en 1975. Elle vit à Paris, écrit des romans, des nouvelles et des pièces de théâtre. Elle reçoit avec le recueil Rebelle un peu le prix du concours L'échappée littéraire des lycéens et apprentis de Bourgogne-Franche-Comté. L'adolescence y est traitée dans ce livre, donc Histoire d'adolescence. Regarde comme c'est beau. Ils rient parce qu'ils ont mis trop de CINA dans la soupe. Ils achètent du NaOH pour déboucher l'évier et digèrent à coups de CO3NaH. « Passe-moi le sel » est une phrase qui n'existe pas chez nous. Ma mère est professeure de physique, mon père de chimie. Mes parents se plaignent qu'il y a trop d'alginate et pas assez de carrageenan dans les confitures. Confitures ? Chaque fois qu'ils emploient un mot sucré, je me dis que ma vie d'enfant va enfin commencer. Je pense immédiatement petit goûter, papier alu, geste normal, envers adulte en devenir. Je dansote sur place, je crois les divertir avec mon pic de gaieté, mais mes parents, à l'inverse, s'inquiètent. Ils me trouvent trop chargée d'adrénaline, de tribuline. Alors, il m'envoie au jardin dégourdir mon adolescence, après m'avoir mise en garde contre les glyphosates ou les organophosphorés. À mon retour, il me demande de réserver à la station-service une bouteille de C4H10. Le pompiste tire une drôle de tête quand je passe la commande. Je traduis juste après, mais comme j'ai la ferme intention de rester particulièrement nulle dans les deux matières que mes parents enseignent, je commets quelques approximations. Un jour, je pourrais très bien remplacer le propane par l'eau oxygénée et tout faire exploser. Mes parents voyagent ensemble. Je reste à quai. Je sais d'eux peu de choses, à part qu'ils s'aiment trop pour m'inclure dans les bavardages. Au fil des ans, ils ont étoffé cette langue à eux, me considérant ponctuellement, plutôt à coups de mise en garde. Comme ils me le recommandent, je me méfie des perturbateurs endocriniens de la moquette. Je les aide à détacher les résidus organiques d'incinération dans la poêle. Puis je vais m'oxygéner plus loin. J'ai bien noté qu'ils sont paisibles dès qu'ils se retrouvent tous les deux. Je monte au quatrième étage, chez Samuel Pureil, ou au bout de la rue, chez Sébastien Cambodge. Leurs mères font des gâteaux. Elles ne travaillent pas, ne partent jamais ailleurs que chez les grands-parents. Mais elles aiment tellement leurs enfants qu'elles ne ressentent pas de manque. Madame Pureil chante mal, mais fort, et tout le temps. Elle n'a jamais honte de rien, même des marionnettes qu'elle agite devant ses aînés, oubliant qu'ils ont grandi. Eux, parfois, le lui rappellent ou, au contraire, l'écoutent patiemment, pour ne pas risquer d'être méchant en lui faisant l'affront de se détourner d'elle. Elle se met à genoux pour câliner les plus petits. Elle les aide à dessiner avec leurs doigts gras sur les carreaux. Les Cambodges sont aussi nombreux que les Pureilles. Mais leur maison est toute blanche. Chaque chose est à sa place. On range tout après avoir joué. Et Madame Cambodge sait le demander sans que la contrainte soit pénible. Elle se pose au bord des chambres comme une espèce de satellite, jusqu'à ce que l'ordre des pièces ressemble exactement à celui qu'elle imagine pour la planète qu'elle supervise. Les sols sont brillants, les dents parfaites. Madame Cambodge défroisse du plat de la main sa jupe, pourtant exemplaire, porte des bracelets à breloques. Elle n'a jamais une mèche de cheveux de travers. Et ses enfants lui disent « Maman » avec une douceur si ronde, une tendresse si pleine, que je crois parfois entendre « mon mon ». Moi, j'appelle ma mère « B+ ». J'ai pondu cette fantaisie-là et mes parents se sont tant extasiés que j'ai été obligée de continuer. Papa est devenu O négatif. Hélas, les vacances approchent. B+ et O négatif ont décidé de faire un voyage. Ils viennent de m'apprendre que la destination est Venise et ils me tendent un livre à consulter. « Regarde comme c'est beau !» s'exalte-t-il. « Nous allons marcher sur cette île flottante. » Et je m'affole. « Marcher avec eux, c'est couler. » Leur messe basse, leur envie de me savoir coucher dès que je me lève ne sont pas compatibles avec des vacances communes. Si je les accompagne, je les entends déjà au retour dire aux amis que Venise avec un enfant, c'est différent. Alors, je demande à Madame Purée de me garder, puis à Madame Cambodge. Une garde alternée, un mi-temps, une semaine de vacances chez l'une, une semaine chez l'autre. Mais chacune a prévu un séjour chez des grands-parents. Et peut-être donc ne me garder que quelques jours, mais pas une semaine complète. J'annonce à mes parents que j'ai trouvé une solution pour rester là à attendre sagement leur retour. Il y a 2 jours entre les Purées et les Cambodges où je serai seule à la maison. Mais j'ai 13 ans et ils peuvent me faire confiance. Leurs yeux brillent. Je mets tant de sourire dans ma demande et tellement d'aplomb dans ma volonté de ne pas partir qu'ils cèdent vite. Leur voyage romantique est à eux. Grâce à moi, ils vont rentrer assouvis, un peu choqués tout de même de me retrouver assise dans leur salon, mais soulagés de constater que j'ai encore un peu grandi. Afin qu'ils atterrissent en douceur, je me replierai vite dans ma chambre où je regarderai mon poignet. B+, O négatif, couleront sous la peau de mon avant-bras comme une caresse, une habitude. Je contemplerai ce grand canal traversant mon corps en admirant la carte postale de marbre qu'ils m'auront rapportée. Toute courte mon histoire. Bon, voilà un petit passage tout amusant d'une petite adolescente avec une musique. Alors finalement, j'ai trouvé au plus trio. Bon, peut-être rien à voir avec l'histoire, mais... Même un chemin de mille lieues, l'histoire de la chanson. Voilà, voilà. Je vais en lire une la semaine prochaine. À tout bientôt. Un chemin de mille lieues commence par un pas, mais sais-tu où tu iras, où ce pas te mènera? Même un chemin de mille lieues commence par un pas, mais sais-tu où tu iras, où ce pas te mènera? Comme une envie de se lever, de s'étirer, de respirer, comme une voile cherche le vent et sentir l'air en dedans. Même un chemin de mille lieues commence par un pas, mais qu'importe où tu iras, où ce pas te mènera. Même un chemin de mille lieues commence par un pas, mais qu'importe où tu iras, où ce pas te mènera. Est-ce que là-bas n'est qu'un ici, juste un peu plus loin que là? Est-ce que là-bas n'est qu'un ici, juste un peu différent de là? Même un chemin de mille lieues commence par un pas, mais connais-tu le pourquoi? Pourquoi pourquoi maintenant ce pas? Même un chemin de mille lieues commence par un pas. Mais connais-tu le pourquoi? Pourquoi maintenant ce pas? Même un chemin de mille lieues commence par un pas. Mais sais-tu où tu iras? Même un chemin de mille lieues. Même un chemin de mille lieues commence par un pas. Mais qu'importe où tu iras? Même un chemin de mille lieues. Même un chemin de mille lieues commence par un pas. Mais connais-tu le pourquoi? Même un chemin de mille lieues. Même un chemin de mille lieues commence par un pas. Commence par un pas, même un chemin de mille lieues. Commence par un pas, même un chemin de mille lieues. Commence par un pas, même un chemin de mille lieues. Commence par un pas, même un chemin de mille lieues. Commence par un pas.